Yes, bienvenue à tous dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, le groupe Night Flight Orchestra avec son premier album Internal Affairs qui a été réédité par le label Nuclear Blast. Donc le groupe devrait sortir très bientôt un nouveau single et de la nouvelle musique, bien entendu, qu'on diffusera dans Overdrive. Donc pour rappel, le guitariste David Anderson nous a quittés au mois de septembre, quelques semaines après la sortie du dernier album de son autre groupe, Soilwork. Et voilà, un petit hommage encore une fois ce soir à cet excellent groupe, cet excellent guitariste qui nous a quittés. À mon avis, le groupe devrait pouvoir rebondir et nous proposer encore une fois de la bonne musique. Godsmack maintenant dans Overdrive pour le groupe américain qui nous ressort du gros son à l'américaine, Lighting Up the Sky avec Hell Is Not Dead, tout de suite. Take a look all around me. In a world going black, and I can't seem to find my way back. Oh no, no, I never thought I'd say one day I'd question my faith to a country that made me who I am today. And the times keep changing, and the world is screaming, all the lies. Yes, vous venez d'entendre le groupe Godsmack et on va continuer avec Steel Panther et son dernier album On The Prowl, qu'on a bien aimé, des bons titres, même si l'amour, enfin plutôt l'humour potache du groupe américain peut être un peu lourd. Parfois, il faut bien le reconnaître, on s'envoie le morceau titre Never Too Late To Get Some Pussy Tonight. Yeah. Vous venez d'entendre le groupe Sabaton avec son EP Heroes of a Great War. On retrouve d'ailleurs un héros français de la Première Guerre mondiale dessus. Sabaton the First Soldier, tout de suite pour les amateurs de power metal. Et on va rester un petit peu dans le metal poète-poète entre guillemets avec le groupe Lordi qui nous revient encore une fois. Les Finlandais ont un véritable rythme de staccanoviste. Ils nous reviennent avec Scream Writers Guild tout de suite sur Overdrive pour un album peut-être un poil moins heavy, mais encore une fois très influencé par les années 80 et la pop culture en général. Again, he wraps his arm round his foxy girl. Et maintenant, pour rester dans le traditionnel heavy metal avec Gatekeeper qui nous reviennent avec cet album From Western Shores tout de suite pour cette nouvelle vague de true heavy metal avec des groupes comme Eternal Champion qui ont, ou même Enforcer il y a quelques années, qui ont et ben, quand même bien fait part les deux. Donc on a ici, à la différence de pas mal de groupes de power metal américains, avec une production qui se veut beaucoup plus garage, avec beaucoup de réverbération, très influencé par des groupes des années 80, des groupes comme un peu obscurs comme les premiers Fates Warning, ou alors voilà, des choses très très roots dans l'esprit. On s'en va ça tout de suite, Gatekeeper, tout de suite From Western Shores, c'est sur Overdrive Radio Duo. Yes, voici pour le groupe Gatekeeper, pour les amateurs de la New Wave of True Heavy Metal, une vague qui existe depuis maintenant une petite quinzaine d'années et qui célèbre justement le son des années 80 avec un côté assez roots, comme vous pouvez l'entendre. Gatekeeper avec son dernier album From Western Shores. On va revenir avec les légendes allemandes de Blind Guardian et leur album live enregistré au Japon au milieu des années 90, Tokyo Tales. J'ai ressorti cet album pour lui redonner un petit tour sur la platine. Ce sera tout de suite extrait de l'album Somewhere Far Beyond avec Time, What Is Time. À l'époque, Andy Kurtz, le chanteur, était également bassiste du groupe. Ça ne nous rajeunit pas, mais encore une fois, ça n'a pas pris une ride. On s'envoie ça tout de suite dans Overdrive Radio Duo avec Blind Guardian tout de suite. We'll play the opener of our new album. This is Time. Oh yeah, you know the number. This is Time. Time, what is time? We'll be right back. Voilà pour Blind Guardian, et sans transition, on reste dans le New Wave of True Heavy Metal, comme on en a passé un peu plus tôt avec Gatekeeper, et cette fois, ce sera un autre groupe influencé par les Kirithian Gold, Visigoth, Enforcer et toute cette vague, avec Blazon Wright et son album Wild Rites and Ancient Songs, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Blades have lost their luster. Yes, Blazon Wright, tout de suite, les fans de True Heavy Metal devraient adorer, une petite influence même des premiers Manowar sur certaines pêches, je trouve. Voilà, on va changer radicalement de style dans Overdrive avec le groupe français Loco Muerte qui nous sort cet album claque de 11 titres, à peine une demi-heure de musique. Pour vous dire, si les morceaux sont courts, ils sont influencés par toute la scène un petit peu crossover américaine, de Suicidal Tendencies à également Municipal Waste ou même Bruyera. Le groupe, enfin l'album, a été produit par Stéphane Buriez de Loud Blast, qu'on surnomme Don Pablo Escoblast sur les remerciements de l'album, un chouette surnom, et c'est produit au Vamakara Studio, donc très très bon, une superbe prod, ça envoie un mort, c'est direct, c'est efficace, on s'envoie ça tout de suite, Loco Muerte, Los Clásicos de Clásicos, avec Tiro Para Matar, Shoot to Kill par Loco Muerte. Oye, a Loco Muerte, que cuando tiro, tiro para matar. Y Mario, que se rompan las bocinas en las radios. Conocido como el Wario, no se le muevan. Que aquí lleguen los sicarios. La calle se hace y se oye. Oye, pendejo, no son los poleantes. Todo el mundo respeta a los maleantes. Sí, yo te quiero dar. Hey, comprende. Tiro pa' matar. Hey, comprende. Yo te quiero dar. Hey, comprende. Tiro pa' matar. Mucho tiempo que esto que todo ha empezado. Para establecer un nuevo noche. Si les quieres ser autista, no quiero escuchar más de lo mismo. Nosotros somos lo que está matando. Vamos a causa un tema de levanoreo. Hey, yo te quiero dar. Hey, comprende. Tiro pa' matar. Hey, comprende. Yo te quiero dar. Hey, comprende. Tiro pa' matar. Voy a Loco Muerte. Establece un flow letal. Cuando tira, tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar. Tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar. Tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar. Tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar. Tira pa' matar, tira pa' matar, tira pa' matar. Influencé par des groupes tels que At The Gates, The Majesties, nous a sorti encore une fois sur les petits labels. On retrouve des jolies pépites comme ce Vast Reaches Unclaimed par le groupe Majesties, des influences bien entendu de la scène des années 90 de Göteborg avec les vieux In Flames et autres At The Gates. Voilà, on continue avec le groupe français maintenant. Sorti sur Atom Records, ce sera Treponen Pal avec son album Screamers. Donc le groupe nous revient avec pas mal d'influences différentes. Ça part du, on va dire, psychédélique avec également des touches industrielles et bien entendu une grosse base à hardcore metal dessus. Screamers, tout de suite, ce sera le morceau titre, une énorme production qui n'a pas à envier à qui que ce soit, quelle que soit surtout l'origine du groupe. En France, on produit de l'excellente musique. J'espère qu'en 2023, nous n'avons plus vraiment besoin de le prouver. Treponen Pal, Screamers, tout de suite. We are corruption, we are the core. Ok, vous venez d'entendre le groupe Easel sorti sur le label Hammer Art Records avec Annie Dizora. Un excellent, excellent disque de doom metal, comme vous voulez, vous venez de l'entendre. Bien sûr, des influences Candlemass, un côté très épique, une excellente production qui sied à merveille au style pratiqué. Bref, jetez-vous dessus, Easel, c'est vraiment excellent. Swarm, maintenant, pour du français, dans un style beaucoup plus, on va dire, rapide, ce sera Swarm Mad in France pour cette EP. 6 titres assez directs, là aussi une très belle prod, bien entendu, qui n'a rien à voir avec ce que vous venez d'entendre, dans un style très différent qui prouve encore une fois que le métal peut sonner de manière malgré tout très différente, malgré ce qu'on peut parfois l'imaginer. White Line, tout de suite par Swarm. Yo, yo, yo, let it slow fall. We'll be right back. Yes, direct, super bien produit là aussi, et incisif ce Swarm avec Man in France et le morceau White Line. Vous devriez en entendre à nouveau parler dans Overdrive, puisque c'est quand même super, super cool. Des influences maintenant, black metal avec Downfall of Gaia pour un black metal très moderne avec cet album Silhouette qui voit le jour sur Metal Blade Records pour quasiment terminer l'émission ce soir dans Overdrive sur Radio Duo. Yeah. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo. On rappelle également sur Instagram Overdrive Radio Duo et le www.radioduo.org pour retrouver toutes les nouvelles concernant la radio en général. Si vous avez bien aimé un morceau en particulier, vous pouvez retrouver notamment les podcasts des émissions, vous retrouvez toutes les références des morceaux écoutés sur la plateforme Mixcloud. Tous les liens sont dans les bonnes librairies numériques. Voilà, on se quitte au son de Blind Guardian qui est toujours son Tokyo Tales avec ce Barbara and the Family. Merci, ciao, bye bye.